suis tombé amoureux, je suis tombé amoureux. Ah, je suis fou de toi, fou de toi, fou de toi. L'amour n'a pas de frontières, l'amour n'a pas de couleurs. Oh, ah, je suis fou de toi, fou de toi, fou de toi. Je suis tombé amoureux, je suis tombé amoureux. Ah, je suis fou de toi, fou de toi, fou de toi. L'amour n'a pas de frontières, l'amour n'a pas de couleurs. Oh, ah, je suis fou de toi, fou de toi, fou de toi. Maître Vincent Gomez. Rupae, Rupert, Maître Doris Lutonadio, moi ça va danser bien. Marie Chantal Claveria, Miss Mika, Machino Bakosa. Quand tu n'es pas là, je suis fou. Quand tu es là, plus qu'un fou. Surtout quand tu marches, la belle Kalipoma. Quand tu parles, je suis fou. Un peu de sourire, je suis fou. Surtout quand tu danses, moya moya. Je suis tombé amoureux, oh, oh, oh. Je suis tombé amoureux. Oh. Ah, je suis fou de toi, fou de toi, fou de toi. L'amour n'a pas de frontières, oh. L'amour n'a pas de couleurs. Oh. Ah, je suis fou de toi. Devane Céleste et maman colonel des États-Unis d'Amérique. Et Mgambé Edo, Ya Edouard. Des yeux pour me regarder, des oreilles pour m'écouter, deux mains pour me caresser, ah, tes lèvres pour m'embrasser, oh maman. Jean Moussafirier. Des yeux pour me regarder, des oreilles pour m'écouter, deux mains pour me caresser, ah, tes lèvres pour m'embrasser, oh maman. Partout, partout, je pense à toi. Partout, partout, je pense à toi. Au boulot, je pense à toi. Pendant la pause, je pense à toi. Avec des amis, je pense à toi. Même aux toilettes, je pense à Moutima. Des yeux pour me regarder, oh. Des oreilles pour m'écouter, oh. Des mains pour me caresser, ah, ta langue pour m'embrasser, oh maman. Ah, Bessantou, quelle tendresse! Je suis très amoureuse de toi. Claude Lola Lola, Vicky Mabanda, Oka, Fondation Mirage de Boston, Aminata Juliette Dongala, Pasteur Robert Luzizila. Saloma Indombe, président missile, Faustin Kwamadio, Gisèle Boulousso, Mami Kitoko, Binote, Hortense Mpia, Leki Amadou Madova, Raoul Colombo, Wala Service, Willy Mouché. Didier Bongibo, José Mondango, Motona Tembe, Coco Coxon, Coxon, Doudou Douglas Doucouré, Malanga, Ngambe Mokoboye, Yaboga, Studio NG, Serge Kapamou, Batikayo, Batikayo, Batikayo, Georges Lungiamboudila, Jean-Marie Essenga, Ngamba Soumia Libinzai, Blaise Zébé.